Chapitre 6. Les ennemis invisibles. À partir de ce jour, les événements se précipitèrent, à la plus grande joie du chevalier qui revivait sa jeunesse d'aventure et revoyait la mort en face à toute heure. Oui, il se réjouissait de revivre enfin une vraie vie mouvementée et périlleuse. Les dangers se multipliaient sous ses pas. Le lendemain du jour où il avait relevé le défi des compagnons de la Sainte-Vème, le moteur de son auto fit explosion. Il s'en tira indemne en souriant. Rentré chez lui, il fit asséner, comme au beau temps de jadis, 100 coups d'étrivière à son chauffeur et il le congédia. Le soir même, traversant à pied le boulevard des Italiens, il faillit être écrasé par une limousine. Il eût voulu faire arrêter les occupants, mais le gardien de la paix se borna à leur dresser procès-verbal pour excès de vitesse. Le chevalier réprima lui-même cet abus en cravachant un des personnages qui se trouvait dans la voiture. Le lendemain matin, les deux hommes se retrouvèrent sur le terrain. L'adversaire du chevalier d'Arsac s'appelait le duc de la Tour. Le duel eut lieu au pistolet sans résultat. Oui, sans résultat. C'était la première fois de sa vie que d'Arsac ne tuait pas son adversaire et pourtant il n'avait jamais tiré d'une main plus sûre. Il soupçonna quelqu'un d'avoir truqué les armes, mais comment mettre en doute la bonne foi et la loyauté d'un duc? Il rentra tardivement pour déjeuner. Tandis qu'il lisait, avant d'entamer deux magnifiques tranches de roast beef étendues dans son assiette, un beau lévrier, qu'il avait fait acheter tout récemment, avança son long col et enleva une tranche de viande. Le chevalier allait manger à son tour lorsqu'il vit la bête se tordre en atroces convulsions. Il fit appeler tout son personnel et le passa en revue, menaçant des peines les plus graves quiconque oserait attenter à ses jours. « À l'avenir, dit-il, deux hommes seront admis à ma table, mon majordome et mon intendant. Tous deux mangeront avant moi. » L'intendant, c'était Monsieur Poirotteau. Il se récria en soupirant. « Ah, monsieur le comte, c'est trop d'honneur !»« Non, César, ce n'est point trop d'honneur, vous ne mangerez que le second. Mon majordome mangera le premier. »« J'aime mieux ça, » balbutia M. Poirotteau. « Si l'un de ces deux hommes meurt, continua le chevalier, malheur aux autres, je ferai ma justice moi-même, après quoi je déposerai plainte entre les mains de monsieur qui de droit. » Ainsi faisaient jadis les rois menacés par le poison, ainsi fera aujourd'hui le chevalier Gaston Thérail de Bayard et, veux-je dire, le comte de Beaulieu, votre maître. Et maintenant, qu'on change le menu et les plats. » La nuit du même jour, le chevalier d'Arsac fut providentiellement réveillé par le roulement d'une voiture. Il avait quelque peine à se rendormir et songeait à une foule de choses, excepté à la Sainte-Vème, lorsqu'un vague bruit venant de son cabinet de toilette éveilla son attention. Notre Gascon était aussi prudent qu'audacieux. Il sortit silencieusement de son lit, souleva doucement les couvertures pour leur faire prendre la forme d'un corps humain, puis, s'étant légèrement vêtu à la hâte, il s'arma de son revolver et se glissa derrière la vaste tenture d'une des fenêtres. Il attendit. Aucun bruit ne frappa plus son oreille. La lassitude le gagnait et il allait sortir de sa cachette, lorsque tout à coup, il aperçut dans le réseau de clarté lunaire qui frappait une partie de la chambre, des ombres humaines s'avançant prudemment vers son lit. « Mordius, je vous tiens !» rugit le chevalier. Trois détonations retentirent dans le silence de la nuit. Le chevalier entendit des balles siffler au-dessus de sa tête, mais, suivant sa tactique, il s'était baissé et, à son tour, par quatre fois, il tira sur les inconnus. Des imprécations et des cris de douleur lui prouvèrent que ses coups avaient porté. Il vit une ombre qui fuyait. Il tira à nouveau. Il entendit le bruit d'une porte qu'on referme et celui d'un pas précipité, puis le silence se fit. Après avoir attendu quelques instants, il fit de la lumière. Deux corps gisaient dans la chambre. Il s'approcha d'eux et constata que les inconnus portaient des habits vulgaires et étaient coiffés de casquettes graisseuses. L'un d'eux était mort, l'autre grièvement blessé. Le chevalier poussa le bouton électrique pour appeler ses serviteurs afin de faire enlever cette valetaille, mais il s'aperçut bientôt que la sonnerie ne fonctionnait pas. Les fils conducteurs avaient été coupés. Il sortit toujours armé et gagna d'autres salles. Enfin, la sonnerie d'une pièce voisine donna l'éveil. Plusieurs de ses domestiques accoururent à son appel. Il les précéda dans la chambre et allait leur donner l'ordre d'enlever le mort et le blessé, lorsqu'il s'aperçut avec surprise que les corps avaient disparu. Quelqu'un veillait donc dans l'ombre. Une main mystérieuse était venue enlever les complices compromettants. Le chevalier d'Arsac fit visiter l'hôtel de Fontencomble, mais on ne trouva pas trace du passage des nocturnes visiteurs. Pas une tache de sang même ne maculait les escaliers et les corridors. « Sans Dieu !» s'écria le chevalier, « voilà ce qui s'appelle travailler proprement !» Il verrouilla toutes les portes de sa chambre et se rendormit, cette fois d'un sommeil profond et calme, se disant « Mes ennemis doivent reprendre haleine, donc j'ai le temps de me reposer à l'aise. » Le lendemain, M. Messager vint chercher le chevalier pour le conduire chez Mme la comtesse de Beaulieu. L'auto dans laquelle les deux hommes avaient pris place s'arrêta devant un immense hôtel. Un laquais ouvrit. « Annoncez, M. le comte Louis de Beaulieu !» dit M. Messager. Et tandis qu'on introduisait le chevalier, M. Messager s'effaça et disparut presque mystérieusement. D'Arsac pénétra dans une vaste salle du premier étage, luxueusement meublée, où se multipliaient des merveilles d'art. Une dame d'une cinquantaine d'années, au profil noble et fier, dont le visage semblait refléter une grande douleur, était assise dans un fauteuil. Près d'elle se tenait un homme du même âge, dont les traits offraient quelques ressemblances avec ceux de la comtesse de Beaulieu. « Voici, monsieur le comte Louis, votre fils, » dit l'inconnu en s'adressant à la dame. Celle-ci leva sur le chevalier d'Arsac des yeux atones, ternes, sans vie, et le contempla un instant d'un regard vague. « C'est vous, Louis, » dit-elle enfin d'une voix qu'on eût dite étouffée. Le chevalier s'inclina sans mot dire. Le mensonge lui répugnait. Il n'avait jamais menti, il ne savait point mentir. Il voulait bien remplir sa mission, il désirait de tout cœur, au prix de l'imposture même, sauver la vie d'une malheureuse femme, lui rendant l'espoir, mais il y mettait des formes. Sur l'invitation de la comtesse, il s'assit devant elle. Elle le contempla à nouveau de ses yeux ternes, aux paupières rougies, puis elle lui dit d'une voix faible « Donnez-moi la main, mon fils !» D'Arsac tendit la dextre. « Non, dit la comtesse, l'autre main !» Le chevalier satisfit ce désir. La vieille dame baissa les yeux en tenant la main du chevalier serrée dans les siennes. Elle resta ainsi sans mot dire pendant de longues minutes. D'Arsac attendait qu'elle lui adressât la parole pour répondre de la façon qu'il jugerait à la fois la plus digne de lui et la plus salutaire au point de vue de la mission qu'il s'était imposée. Mais la vieille dame et son compagnon restaient muets. « Ah ça !» pensait le chevalier, « suis-je ici au milieu de fantômes ou de morts ?» Tout est calme, tout est silencieux, comme le séjour de la belle au bois dormant. C'est très beau, mais ça m'énerve. Sans Dieu, patientons. Noblesse oblige. Enfin, il vit la vieille dame hocher la tête. Il crut qu'elle allait parler, elle s'était endormie. Il se tourna vers l'autre muet, comme il le qualifiait déjà. Il vit l'étranger mettre un doigt sur les lèvres pour lui ordonner le silence et lui faire signe de le suivre. D'Arsac se leva. L'étranger le conduisit dans une chambre voisine où il dit à voix basse « Madame la comtesse, votre mère, souffre beaucoup aujourd'hui, mon enfant. » Et il leva le doigt vers son front pour indiquer le siège du mal. « Elle devient folle tout à fait, » pensa D'Arsac. L'étranger ajouta « Je vous ferai connaître le jour où votre présence pourra être favorable à notre chère malade. Adieu, Louis !» et, lui ayant serré la main, l'étranger le conduisit jusqu'à la porte sans ajouter un mot. « Ouf !» s'écria Darzac quand il fut sorti de l'hôtel. « J'étouffe. Il était temps que je sortisse. Je commençais à moisir dans cette maison où règne une atmosphère soporifique au plus haut degré. Si madame ma mère ne guérit pas à une troisième visite, je n'aurai jamais le courage de continuer cette cure. Et pourtant, il le faudra. Pauvre femme, son esprit est rudement détraqué et je crois que celui de son compagnon, qui est peut-être mon oncle, ne vaut guère mieux. » Il remonta dans l'auto qui l'attendait. Quant à monsieur Messager, il avait disparu. Le chevalier ne s'inquiéta aucunement de son absence, il l'avait oublié. Il rentra à son hôtel en se disant « Enfin, me voici dans la vraie vie. Je vais revoir sans doute mes ennemis. Ça va chauffer, mordius !» Une heure plus tard, on annonçait monsieur Corbier. Le chevalier ne l'avait plus vu depuis 2 jours. Il le reçut avec empressement. Le maître maçon s'excusa de n'être point venu plus tôt et il en expliqua la raison. Ayant failli être victime d'un nouvel attentat, pour la seconde fois où il avait tiré un coup de revolver dans la place où il se trouvait, il avait résolu de dépister les meurtriers acharnés à sa perte. D'accord avec sa femme, il s'était réfugié chez sa vieille mère qui habitait rue Saint-Denis. Il se proposait de s'y tenir caché pendant quelques jours, lorsque sa fillette aînée, âgée de 9 ans, était accourue à son nouveau domicile. Elle lui avait appris que madame Corbier avait disparu. Le maître maçon devina un enlèvement. Ses ennemis, ne pouvant le frapper, s'attaquaient à une femme sans défense. Affolé, il rentra chez lui. Le lendemain, il trouva dans la boîte aux lettres une missive. Il reconnut l'écriture de sa femme, ouvrit l'enveloppe et lut ces quelques mots. « Mon pauvre Gustave, je confie au hasard cette lettre sans savoir si elle te parviendra. J'ai été enlevé par des inconnus et suis emprisonné dans la 6e maison à gauche de la rue d'Oran, une maison blanche. Je n'ai pu voir le numéro. On m'a prévenu que si la police était avertie, on me tuerait. Si tu essaies de me délivrer, agis avec prudence. Espère, mon cher Gustave, embrasse nos chères petites et reçois les baisers de ton épouse, Léonie. » « Que comptez-vous faire ? » demanda le chevalier quand le maître maçon eut terminé son récit. « Je ne sais, monsieur le chevalier, je n'ose avertir la police dans la crainte d'être la cause involontaire de la mort de ma pauvre femme. Je suis venu vous demander conseil. » « Vous avez bien fait, nous allons agir avec prudence. Procurez-vous pour ce soir à 10 heures un passe-partout, une lampe électrique et des armes, puis venez me trouver. » Je vous attendrai et tenterai de délivrer votre épouse. » Le maître maçon remercia le chevalier en termes émus et se retira. À 10 heures du soir, il reparut avec des objets demandés. Il monta en auto derrière Darzac. Celui-ci se fit conduire rue Ernestine, près de la rue d'Oran. Les deux hommes s'engagèrent ensuite dans cette dernière rue et s'arrêtèrent devant la 6e maison à gauche. « Ce n'est pas une maison blanche, comme ma femme le dit dans sa lettre, » remarqua avec regret monsieur Corbier. « Non, » répondit le chevalier, « mais allons prendre l'autre extrémité de la rue. » De ce côté, ils comptèrent à nouveau 6 maisons. « Enfin, » dit le maçon, « voici la maison blanche. »« Silence, » dit Darzac, « l'immeuble semble habité. Donnez-moi votre passe-partout. » Le chevalier ouvrit la porte et, s'armant de son revolver, il pénétra dans un vaste corridor. « Suivez-moi et armez-vous, » dit-il à voix basse en rendant le passe-partout à l'ouvrier. « Donnez-moi la lampe électrique. » Darzac s'arrêta et écouta. Nul bruit, le silence le plus complet régnait dans la maison. Il tourna la poignée d'une porte et pénétra dans une chambre vide dont les fenêtres seules étaient ornées de rideaux. Il entra dans une seconde pièce, dans une troisième. Toutes ces chambres étaient désertes. Il descendit dans les caves. Personne, pas un meuble, pas le moindre indice, dénonçant que la maison fût habitée, si ce n'était ses rideaux aux fenêtres. Les deux hommes gravirent l'escalier et inspectèrent le premier étage, qui était désert lui aussi. Ils atteignirent le second, ouvrirent une porte et entrèrent. M. Corbier étouffa un cri de surprise. « Qu'avez-vous ? » lui demanda le chevalier à voix basse. « Ah, monsieur, je reconnais cette chambre. C'est ici que j'ai été amené, les yeux bandés. C'est ici que j'ai accompli la sinistre besogne qui m'avait été commandée. Voilà le mur que j'ai maçonné. On l'a recouvert d'une tapisserie de la même teinte que celle de l'appartement. Voyez, l'humidité du plâtre apparaît. Oui, c'est bien ici qu'un crime horrible a été commis. Continuons notre inspection. Nous examinerons cela tantôt. » Et le chevalier, s'éclairant de la lampe électrique, pénétra dans la chambre voisine. Mais comme il venait d'en franchir le seuil, la porte se referma avec fracas derrière lui et six bras armés de poignards le menacèrent. Resté dans la chambre voisine, le maître maçon entendit une rumeur sinistre, des clameurs, des cris de rage, suivis de détonations et du bruit de la chute d'un corps. Il se rua sur la porte, mais celle-ci résista à ses efforts. Derrière, le bruit s'élevait formidable. Que faisait le chevalier d'Arsac ? Qu'était-il devenu ? Dès qu'il avait entendu la porte se refermer, menacé, il avait compris qu'on l'avait attiré dans un guet-apens. Au lieu de reculer, d'un bond de tigre, il s'élança au milieu de la chambre et compta ses adversaires. « Six hommes, rugit-il, on me fait affront. Je n'ai jamais combattu aussi peu d'adversaires. » Prompt comme l'éclair, il jeta sa lampe, leva son revolver et fit jouer le ressort de sa canne à épée. Une lame longue et fine jaillit. Il était armé de pied en cap. Les six hommes, voyant leur adversaire brandir un revolver, saisirent à leur tour leur Browning et tirèrent dans sa direction. Mais, toujours fidèle à son ancienne tactique, le chevalier s'étendit par terre au moment où l'on s'y attendait le moins. Les balles sifflèrent au-dessus de sa tête. Les assaillants crurent leur adversaire blessé et, poussant le cri de joie sinistre qui avait violemment frappé M. Corbier, s'élancèrent sur lui. À ce moment, le chevalier tira deux coups qui ne manquèrent pas leur but. Deux hommes tombèrent. Il y eut un moment d'étonnement, un recul involontaire des assaillants dont Darsac profita en abattant un troisième ennemi. Mais les trois survivants allaient l'atteindre. Mu comme par un ressort, Darsac se redressa soudain et bondit sur eux. Sa main droite frappa de l'épée, sa main gauche tira. Deux hommes chancelèrent. Le dernier survivant déchargea son revolver vers le chevalier. Mais celui-ci avait fait une pirouette et se servait de l'homme qu'il venait de transpercer de son épée comme d'un bouclier. Sa pirouette terminée, il se retrouva en face du dernier ennemi et lui brûla la cervelle à bout portant. Ce diable d'homme, quand il combattait, était partout et nulle part. Il se déplaçait avec une agilité déconcertante et tandis qu'on croyait le frapper à gauche, il reparaissait à droite. C'était sa tactique triomphante. Il unissait la force à la souplesse. Il enjamba les corps des blessés et des morts et se dirigea vers la porte. Il s'aperçut qu'elle avait été verrouillée à l'intérieur. Comme il allait l'ouvrir, un coup de feu retentit. Un blessé avait tiré vers lui sans l'atteindre, heureusement. Il ouvrit enfin la porte. Quelle ne fut pas la surprise de M. Corbier en le voyant reparaître. « C'est fini, dit Darsac, mais ne perdons pas de temps. » « Vous n'êtes pas blessé, monsieur le chevalier ?» demanda anxieusement le maître maçon. « Non, mon ami, mais dans la mêlée, j'ai perdu votre lampe électrique. Tâchons de la retrouver. » En tâtonnant, ils eurent la chance de mettre la main sur le précieux luminaire. Ils continuèrent leur inspection. Arrivés devant les mansardes, une porte résista. Ils la battirent. Un cri de terreur arriva jusqu'à eux. Ils avancèrent avec angoisse. Dans un coin de la mansarde, Madame Corbier gisait ligotée. « Ma femme, ma pauvre femme !» gémissait l'ouvrier. mais il s'aperçut bientôt, avec une joie déchirante, que sa femme n'était pas blessée. On coupa les liens. Elle raconta alors que des hommes inconnus l'avaient enlevée et conduite dans cette maison, la menaçant de la tuer si elle lançait le moindre appel. L'un d'eux lui avait fait écrire, sous la menace du revolver, la lettre qu'avait reçue son mari, puis on l'avait garrottée. Cette lettre était donc une amorce pour nous attirer dans un guet-apens, dit M. Corbier. C'est bien ce que je pensais, répliqua le chevalier. Ce procédé ne leur a pas porté bonheur et a eu un effet inattendu. Partons. Et la victime cachée sous mon mur, questionna timidement le maître maçon. C'est vrai, je l'oubliais. Allons voir. Ils descendirent. Le maître maçon, à l'aide d'un marteau et d'un poignard, ouvrit la muraille qui, sous une suprême poussée, s'effondra. Il déblaya le parquet et mit à jour la fameuse caisse. À la clarté de la lampe, il lut cette inscription qu'il n'avait pas remarquée la première fois sur le couvercle. Sigil, le troisième imposteur. Il ouvrit la malle. Un cadavre, en état de putréfaction, apparut. À l'endroit du cœur était fiché un stylet, sur la poignée duquel étaient écrits ces mots, « La Sainte Vème ». Quant au visage du mort, il était devenu presque méconnaissable. Le chevalier d'Arsac sortit, suivi de Monsieur et Madame Corbier. Ceux-ci se rendirent au commissariat de police le plus proche faire leur déposition. Quant à notre Gascon, il se déroba au témoignage de reconnaissance de ses protégés en leur disant « Pardonnez-moi, mes ennemis m'attendent chez moi ».